La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des... Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Jacques Bouvresse, titulaire de la chaire philosophie du langage et de la connaissance au Collège de France, a entrepris il y a 2 ans un travail consacré à Kurt Gödel, mathématiques, logique et philosophie, cours qu'il poursuit cette année. Je rappelle que Kurt Gödel est l'inventeur autrichien dans le domaine de la logique mathématique des 2 théorèmes qui portent son nom et qui prolongent les travaux de Cantor. Mais on ignore plus souvent qu'il est aussi un philosophe important. C'est sur les liens qui unissent son travail de mathématicien à son travail de philosophe que Jacques Bouvresse a construit ce cours qui se poursuivra encore l'an prochain. Jacques Bouvresse propose cette année de déployer 3 groupes de questions portant premièrement sur le réalisme, le platonisme mathématique de Kurt Gödel et ses relations avec la phénoménologie transcendantale de Husserl, car Gödel est allé chercher chez quelques-uns des grands noms de la philosophie et en premier lieu chez Platon les modes d'expression qui coïncident au plus juste avec sa pensée. Ensuite, Jacques Bouvresse traitera du débat de Gödel avec Carnap sur la question de la syntaxique. Carnap tentait en effet de réduire la logique à une simple question de syntaxe. Et Jacques Bouvresse se demandera si dans ce débat, Gödel apporte des arguments décisifs. Puis dans un 3e temps, Jacques Bouvresse abordera les conséquences philosophiques du théorème de Gödel sur l'incomplétude. Premier temps donc, à partir de ce matin, Kurt Gödel, lecteur de Husserl. Dans la présentation qui est donnée de la correspondance entre Bernays et Gödel dans le volume 4 des Collected Works, voici ce qui est dit. Dans le chapitre 12 de sa biographie de Gödel, paru en 1997, donc c'est cette biographie, John Dawson peint une image déprimante de la dernière décennie de la vie de Gödel, donc, qui a été en grande partie consumée par la maladie. Un petit nombre d'éléments dans cette correspondance et dans des correspondances apparentées témoignent de cela. En mai 1968, pour excuser le délai que ça lui avait pris pour réviser l'article de Dialectica, donc je me l'avais demandé de préparer une version révisée de l'article de Dialectica dont je vous parlais il y a un instant. Alors Gödel, pour s'excuser, donc a écrit que c'est une citation au début du mois d'avril, je suis tombé malade et je suis toujours entre les mains d'un médecin. En décembre de cette année, il a écrit, il s'agit d'une lettre à Bernays, donc il a écrit en s'excusant d'avoir pris autant de temps pour répondre à une lettre de Bernays, puisque, c'est à nouveau une citation, malheureusement, mon état de santé a été plutôt mauvais dans les derniers mois. En 1970, dans une lettre qu'il n'a pas envoyée à Alfred Tarski, Gödel a écrit pour expliquer les problèmes qui étaient apparus avec la démonstration qu'il avait proposée du fait que la cardinalité du continu était égale à f2. Donc il avait envoyé à Tarski une démonstration supposée du fait que la puissance du continu était égale non pas à f1, comme l'affirme, en tout cas le conjecture, l'hypothèse du continu, mais est égale au deuxième des AF transfinis, c'est-à-dire à f2. Alors, donc dans cette lettre à Bernays, il dit ceci, malheureusement, mon article tel qu'il se présente n'est pas bon. Je l'ai écrit à la hâte, après avoir été malade, après avoir eu des problèmes d'insomnie et après avoir pris des drogues qui ont détérioré mes fonctions mentales. Je vous ai déjà parlé de ça. Donc, excusez-moi, j'ai commis un lapsus. Donc, la puissance du dénombrable est notée aleph 0. L'hypothèse du continu suppose que la puissance du continu, c'est-à-dire la puissance de l'ensemble des nombres réels, est égale à aleph 1. Et Gödel fait l'hypothèse, donc, et affirme, ou suppose en tout cas, qu'il a démontré dans cet article dont il a envoyé une ébauche à Tarski que la puissance du continu est égale non pas à aleph 1 mais à aleph 2. Alors je reviens à mon sujet de cette année. Et pour commencer, donc j'aimerais vous reparler un peu du problème assez difficile des relations de Gödel avec la phénoménologie. Alors avant de reprendre cette question, celle des relations qu'il a entretenues avec la phénoménologie husserlienne, il sera utile, je crois, de commencer par rappeler ce que dit à ce propos Wang. En 1959, c'est Hao Wang qui parle, en 1959, Gödel a commencé à étudier l'œuvre de Husserl et a suggéré par la suite, avec une certaine hésitation, que la phénoménologie pourrait être la méthode correcte pour la philosophie. Même s'il y a des traces de l'influence de Husserl dans certains des écrits de Gödel en nombre très limité dont on peut disposer après 1959, on ne peut pas dire clairement que son œuvre ait tiré réellement un grand bénéfice de cette étude de Husserl. En 1972, il a dit qu'il n'avait pas trouvé ce qu'il cherchait dans sa poursuite de la philosophie. Fin de citation. Alors effectivement, il y a un problème dont j'avais déjà eu l'occasion d'évoquer l'an dernier. Il est certain que Gödel a trouvé, ou en tout cas a cru trouver, quelque chose d'extrêmement important chez Husserl, mais il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de savoir ce qu'il a trouvé et réussi à exploiter effectivement. Alors on peut remarquer qu'il aurait pu s'intéresser plutôt à Husserl, et même éventuellement le rencontrer, puisque Husserl, répondant à une invitation du Wiener Kulturbund, a donné le 7 mai 1935 à Vienne une conférence intitulée « Die Philosophie der Krisis der Europäischen Menschheit », donc la philosophie dans la crise de l'humanité européenne. Ce sont ces deux conférences. Alors cette conférence donc a été donnée le 7 mai et à la demande générale a été répétée le 10 mai. Donc ces deux conférences constituent, comme vous le savez sans doute, l'origine de l'ouvrage qui a été publié sous le titre « La crise des sciences européennes » et la phénoménologie transcendantale. Donc Husserl était venu à Vienne en 1935, et c'est une chose qui n'était sûrement pas passée inaperçue aux yeux de Gödel, mais il semble que dans ces années-là, il se soit occupé principalement de physique et assez peu de philosophie. Si on en juge d'après les fiches de bibliothèque qu'il a remplies pendant cette période, il avait l'habitude de garder de façon quasi maniaque et quasiment obsessionnel à peu près tous ses papiers, y compris ses fiches de bibliothèque. Donc il est assez facile de réussir à savoir à peu près ce qu'il a lu chaque année. Et l'année 1935, il semble qu'il ait lu ou en tout cas consulté surtout des livres d'auteurs comme Eddington, Planck, Mach, Born, Nernst, Schrödinger, Lorentz, Sommerfeld et Dirac, ainsi que Mathematische Analyse des Raumproblems de Hermann Weyl, donc analyse mathématique du problème de l'espace. Par conséquent, cette année-là, et semble-t-il également pendant cette période-là, il semble s'être intéressé principalement à des problèmes de physique. Alors, en ce qui concerne ses intérêts philosophiques, on peut constater que, bien que d'après Menger, il ait commencé depuis quelques années déjà à s'intéresser de près à l'œuvre de Leibniz, il ne possédait à ce moment-là qu'un seul livre de cet auteur, les Kleinere Philosophische Schriften, donc un recueil d'articles, et il n'a demandé à la bibliothèque aucun ouvrage de Leibniz au cours de l'année 1935. Mais il est intéressant de remarquer qu'il a demandé en revanche, d'après ce que dit son biographe John Dawson, il a demandé et lu apparemment les Vorlesungen zur Phänomenologie des Bewusstseins, une chose qui n'est peut-être pas sans rapport avec la venue de Husserl à Vienne. Alors, je suppose bien entendu que le texte concerné est en réalité « Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins », c'est-à-dire les leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, donc un livre qui avait été publié en 1928 dans le Jahrbuch für Philosophie und Phänomenologische Forschung. Il se peut que Gödel l'ait lu, ou en tout cas qu'il a été au courant de son existence, et j'aurai l'occasion de revenir sur ce point. Vous savez sans doute que le problème du temps et de celui de la la réalité du temps est un des problèmes qui ont fasciné Gödel. Alors, ce qu'il espérait trouver en lisant Husserl est tout à fait clair. Dans le brouillon d'une lettre qui a été adressée au philosophe et mathématicien Giancarlo Rota, il écrit ceci, je cite, « Une fois achevée, la phénoménologie transcendantale de Husserl ne serait ni plus ni moins que la critique de la raison pure de Kant transformée en une science exacte, qui, loin de détruire la métaphysique traditionnelle, s'avérerait au contraire lui fournir un solide fondement. » Fin de citation. Donc, Gödel a cru pouvoir trouver chez Husserl l'exemple d'un projet philosophique idéaliste qui, bien qu'inspiré initialement de Kant, pourrait non seulement être réconcilié avec le réalisme, mais permettrait en outre à la métaphysique traditionnelle telle qu'elle avait été conçue et pratiquée par des philosophes comme Leibniz de prendre un nouveau départ. Autrement dit, il semble avoir considéré qu'il était possible de se servir de Husserl pour recommencer d'une certaine façon avant Kant, c'est-à-dire recommencer les choses à peu près, reprendre les choses à peu près là où Leibniz les avait laissées. Mais naturellement, comme je l'ai déjà suggéré, je crois, l'année dernière, il y a des raisons de penser que Gödel considérait Kant comme nettement plus subjectiviste et en même temps Husserl comme nettement plus réaliste qu'ils ne le sont en réalité. Je crois en effet qu'il a tendance à tirer énormément Kant du côté du subjectivisme et au contraire à considérer Husserl comme beaucoup plus objectiviste qu'il ne l'est en fait. Et on est obligé, me semble-t-il, de se demander de quelle façon le réaliste qui était Gödel aurait pu réagir à des déclarations comme celles qu'on trouve, par exemple, dans la crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, où Husserl dit ceci, « Nous apprendrons à comprendre que le monde existant pour nous, dans le flux changeant de ses modes de données, est un acquis universel de l'esprit, donc le monde est un acquis universel de l'esprit, que c'est en tant que tel qu'il a eu son devenir et qu'il continue à devenir, en tant qu'unité d'une seule figure de l'esprit, en tant que formation de sens, en tant que formation d'une subjectivité universelle fonctionnant de façon ultime. » Donc la base de tout, hein, le fondement ultime pour Husserl, c'est clairement la subjectivité. C'est même une des choses qui sautent immédiatement aux yeux quand on lit Husserl, et une question que je me pose, c'est de savoir si Gödel s'est véritablement rendu compte de ça et du genre de problème que ça peut poser pour un réaliste véritable, puisqu'il est assez difficile à un réaliste authentique d'accepter l'idée que tout repose finalement dans la subjectivité. Husserl dit encore « Tout traitement théorique objectif du monde est traitement de l'extérieur, entre guillemets, et ne saisit que des extériorités, à nouveau entre guillemets, des objectivités. » Le traitement théorique radical du monde est le traitement interne, systématique et pur de la subjectivité s'extériorisant elle-même dans l'extérieur. Fin de citation. Bon, je n'en dis pas plus pour le moment, mais naturellement, on est en droit de penser que si Gödel avait eu connaissance de passages comme celui-là, ça lui aurait posé, ou en tout cas ça aurait dû lui poser un certain problème. Eckhard Köhler, qui est un des commentateurs, donc des spécialistes de l'œuvre de Gödel, note qu'en dépit de la sympathie considérable dont la phénoménologie husserlienne ne pouvait pas ne pas bénéficier a priori aux yeux de Gödel, la réconciliation du point de vue ouvertement platonicien que défend Gödel avec la démarche, à première vue, nettement plus constructiviste de Husserl, donc cette réconciliation présentait malgré tout certaines difficultés. Dans les discussions du cercle de Vienne, remarque Köhler, si Gödel avait pris le risque d'exprimer franchement ses convictions philosophiques, que se serait-il passé? Ce qui est indiqué ici, probablement, la plus grande résistance est celle qui aurait été suscitée par son engagement en faveur de l'intuition rationnelle qui passait depuis Kant pour avoir été liquidée. Donc, la question que se pose Köhler, c'est qu'est-ce qui serait passé si Gödel avait, dans le contexte du cercle de Vienne, avait pris fait et cause pour l'intuition intellectuelle, dont le sort était supposé avoir été réglé depuis la critique de la raison pure de Kant. Donc la plus grande résistance est celle qui aurait été suscitée par son engagement en faveur de l'intuition rationnelle, qui passait depuis Kant pour avoir été liquidée, en dépit du fait que toute la logique et les mathématiques, tout au moins la partie ensembliste qu'elle comporte, dépendent d'elle. Mais ça, c'est le point de vue, évidemment, que défend Köhler, qui est sur ce point gödelien, et considère que la logique et les mathématiques dépendent complètement de ce qu'il appelle l'intuition rationnelle. Kant, justement, en commettant une erreur grossière, avait déclaré la logique morte. Enfin, Kant n'avait pas tout à fait déclaré la logique morte, il avait simplement déclaré qu'elle est sortie close et achevée du cerveau d'Aristote. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de la déclarer morte. C'est le phénoménologue Kaufmann qui aurait dit sur ce point, qui aurait été, pardon, sur ce point le plus susceptible de comprendre Gödel, étant donné que toute l'entreprise phénoménologique de Husserl repose sur une intuition a priori, la vision des essences, qui va au-delà de la perception sensible. C'est justement pour Husserl que Gödel a développé, après 1959, une grande sympathie. Mais il y a eu là aussi des complications considérables. Premièrement, Husserl a limité son intuition, comme Brouwer, à un domaine qui peut être exploré de façon constructive. Son adepte Kaufmann est allé, si possible, encore plus loin. Cela a placé Kaufmann dans la position, dans la proximité de l'orientation en matière de fondement, qui était celle de Poincaré, Brouwer et Weil. Donc la proximité entre Kaufmann d'une part et le point de vue de Poincaré, Brouwer et Weil est tout à fait évidente. En ce qui concerne Husserl lui-même, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne suis pas aussi sûr que l'est apparemment Köhler, donc de la possibilité de tirer Husserl aussi nettement du côté du constructivisme. Weil remarque que Köhler avait suivi avec enthousiasme les leçons de Husserl avant la Première Guerre mondiale à Göttingen. Mais, pour le directeur du Cercle de Vienne, Moritz Schlick, une intuition prétendument logico-mathématique, comme celle de Husserl, était justement une bête noire. Ça, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, Schlick n'avait pas beaucoup de sympathie pour l'idée d'une intuition logico-mathématique, et pour le point de vue de Husserl en général. Dans cette opinion, Schlick a été spécialement conforté également par Wittgenstein et Weismann. Ces choses étaient naturellement connues de Gödel, et il ne voyait pas de raison de détourner son attention d'un travail mathématique techniquement astreignant vers des confrontations philosophiques tout à fait obscures et dans un état de développement très insuffisant. Donc ça, c'est ce que dit Köhler. Comme je l'ai indiqué déjà l'année dernière, la complication qu'il signale est tout à fait réelle. Il n'y a a priori aucune raison de penser que la phénoménologie husserlienne doit aller en philosophie des mathématiques indiscutablement dans le sens du platonisme plutôt que une forme plus ou moins affirmée de constructivisme. Ce qui est certain est que Gödel ne pouvait pas accepter et n'a pas accepté le point de vue finitiste très restrictif de Kaufmann. Felix Kaufmann est l'auteur notamment d'un livre intitulé « Das Unendliche in der Mathematik und seine Ausschaltung », c'est-à-dire l'infini en mathématiques et son exclusion, son élimination. Par conséquent, c'est un finitiste tout à fait strict, et c'est en même temps un sympathisant de la phénoménologie. Donc, en ce qui le concerne, il a tendance à rapprocher l'un de l'autre le point de vue de la phénoménologie et le point de vue finitiste dans la philosophie des mathématiques. Mais quant à savoir si ça aurait pu être le point de vue de Husserl lui-même, c'est tout à fait discutable, et Gödel ne le pensait pas. Il ne pensait pas du tout que Husserl ait pu être prêt à adopter sur les mathématiques et la logique classique un point de vue révisionniste comparable à celui des intuitionnistes. Alors, du point de vue historique, il faut se rappeler évidemment que Husserl a suivi le séminaire de Hilbert à Göttingen, et que s'il avait dû choisir entre Hilbert et Brouwer, qui étaient, comme vous le savez, en guerre l'un avec l'autre de façon extrêmement violente, s'il avait dû choisir, on peut penser qu'il aurait choisi de préférence, il aurait choisi Hilbert vraisemblablement plutôt que Brouwer. Hao Wang a décrit dans le détail la combinaison assez classique d'originalité extrême en matière théorique et de banalité et de routine en matière pratique dont était faite la vie de Gödel. C'est un aspect assez fascinant du personnage. Wang dit ceci: il n'y a rien d'inhabituel pour quelqu'un qui est à l'origine d'idées théoriques nouvelles d'être en même temps ordinaire et vieux jeu dans les activités quotidiennes. Une juxtaposition plus frappante du nouveau avec l'ancien est la préférence et le talent de Gödel pour obtenir des idées originales qui permettent d'éclairer des questions et des approches pérennes en entrant plus profondément dans des concepts et des préoccupations traditionnelles qui sont souvent considérées comme dépassées sur la base de réponses moins étudiées à des exagérations passées. C'est dit de façon un peu compliquée, mais en gros, ça revient à dire que Gödel était quelqu'un qui excellait dans l'art de faire du nouveau avec l'ancien. Hein, c'est-à-dire qu'il a une bonne partie des choses déterminantes qu'il a faites ont été inspirées, au moins du point de vue philosophique, par des idées relativement traditionnelles qui, d'après lui, avaient été tombées tout à fait injustement dans l'oubli. Les exemples, alors, de la façon dont Gödel exploitait des choses, était capable d'exploiter avec profit des choses tout à fait anciennes, les exemples, dit Wang, incluent l'importance de la métaphysique, le recours à l'intuition, le concept de vérité mathématique, en particulier arithmétique, le concept de temps, la nature de la logique et le concept de concept, etc. L'insistance sur la précision n'exclut pas pour lui ce qui est intuitif et riche de contenu. Et effectivement, Gödel n'a jamais perçu de contradiction ni même de tension entre l'exigence de précision. Il était sur ce point d'une maniaquerie presque obsessionnelle. Donc, il n'a jamais perçu de contradiction entre l'exigence de précision et en même temps un intérêt fondamental pour ce qui est intuitif et riche de contenu. Il n'est pas douteux que l'intérêt qu'il a manifesté pour la phénoménologie transcendantale a ajouté un sujet d'incompréhension supplémentaire à ce qui existait déjà du point de vue philosophique entre lui et un bon nombre de ses collègues américains. Je vous parle de ce qui s'est passé à partir du moment où il s'est retrouvé donc aux États-Unis, donc en 1940. Et il est clair que s'il avait proclamé ouvertement son intérêt pour la phénoménologie husserlienne, il se serait heurté à une incompréhension probablement encore plus grande que ça n'aurait pu être le cas à Vienne. Comme le fait remarquer Pale Yul Brau, qui a publié un livre qui vient d'être traduit en français sur Einstein et Gödel. Donc le livre s'intitule Einstein-Gödel, quand deux génies refont le monde. Il a été publié chez Dunod l'année dernière, donc en 2005. Einstein-Gödel, quand deux génies refont le monde. Et Pale Yul Brau avait déjà publié un autre livre intitulé The Disappearance of Time, la disparition du temps. Donc ce sont deux livres qui sont consacrés assez largement aux idées cosmologiques de Gödel, dont j'aurai peut-être l'occasion de vous parler un peu. Je l'avais déjà fait il y a quelques années dans un séminaire sur le temps. Dans ce livre, donc, qui est un livre alors, bon, qui a quand même l'inconvénient d'être fâcheusement hagiographique, parce qu'au fond on s'aperçoit que d'après Yul Brau, Gödel a toujours raison. Hein, c'est toujours l'esprit du temps qui a tort. Alors dans ce livre en tout cas, Yul Brau remarque avec raison que l'intérêt que Gödel éprouvait pour Husserl et pour la phénoménologie est une chose qui pouvait encore tout à fait être comprise par un philosophe comme Carnap, pour la raison que Carnap avait suivi certains des enseignements de Husserl et avait même songé à travailler sous sa direction. Donc il a pensé très sérieusement à travailler sous la direction de Carnap, et puis je crois que Husserl n'a pas été particulièrement séduit par cette idée. Enfin, je ne sais plus exactement pourquoi ça ne s'est pas finalement pas réalisé, mais en tout cas, Carnap, lui, avait une connaissance réelle de la phénoménologie, en tout cas, au moins pendant un certain temps, il s'est intéressé assez près à ce que faisait Husserl et les gens de son école. Il faut se souvenir aussi que Carnap a participé au fameux colloque de Davos en 1929, où étaient présents à la fois Husserl, Heidegger et Cassirer. Donc il y avait aussi Carnap. Et je vous recommande à ce propos, si vous en avez l'occasion, la lecture de ce petit livre excellent de Michael Friedman, The Parting of the Ways, bon, qu'on pourrait traduire par Quand les chemins se séparent. Il est consacré, ce livre donc est consacré à ce qui s'est passé à Davos, et notamment la confrontation qu'il y a eu entre... Bon, il y a un aspect de la confrontation qui est bien connu, c'est la confrontation entre Heidegger et Cassirer, et qui est censée s'être terminée par la victoire éclatante de Heidegger. Mais il y a eu aussi une confrontation plus discrète, hein, entre Heidegger et Carnap, c'est-à-dire entre le heideggerianisme et le positivisme logique, une confrontation qui n'était pas seulement philosophique, mais qui était aussi, pour une part importante, politique. Bon, comme ce n'est pas mon sujet, je ne m'attarde pas là-dessus, mais je voulais souligner simplement, comme le fait Yul Brau, que en ce qui concerne son intérêt pour Husserl, Carnap aurait pu se faire comprendre, Gödel aurait pu assez facilement se faire comprendre de Carnap, mais il n'y avait guère de chance qu'il soit compris par quelqu'un comme Quine, par exemple, et par la grande majorité des philosophes analytiques, qui, quand il ne trouvait pas Husserl purement et simplement illisible, considérait comme tout à fait dépassé le genre de philosophie que pratiquaient les gens comme lui. Mais, bien sûr, ce n'était pas le genre de choses qui aurait pu impressionner beaucoup Gödel, puisque ce qui passait généralement pour nouveau et essentiel en philosophie, c'était le cas du positivisme logique. Hein, dans les années qu'il a passées à Vienne, c'était le positivisme logique qui était censé représenter la nouvelle philosophie et la philosophie de l'avenir. Or, c'est assez systématique chez Gödel, la plupart du temps, ce qui passait pour nouveau et essentiel en philosophie pouvait très bien être et était fréquemment perçu par lui comme n'étant rien de plus que l'expression des préjugés les plus discutables de l'époque. Et il a réagi assez fréquemment de cette façon aux nouveautés auxquelles il a été confronté. Et il faut signaler aussi qu'il avait tendance à croire de façon générale, non pas que nous progressons, mais plutôt que nous déclinons. Hein, c'est-à-dire que les meilleures choses sont plutôt derrière nous. D'où évidemment son intérêt pour son admiration pour certains des philosophes du passé, comme par exemple Leibniz, par rapport auquel il estimait qu'on a extrêmement peu progressé, hein, pour ne pas dire même plutôt régressé. Alors on peut évidemment soupçonner Gödel de manquer sérieusement de sens historique dans sa façon de lire Husserl, avec l'idée de se servir de lui pour essayer de faire revivre la métaphysique dans un sens qui peut donner l'impression d'être plus ou moins dogmatique et prescriptif. Cela ne serait sans doute pas très surprenant de la part de quelqu'un qui apparemment ne croyait pas à la réalité du temps et a essayé de démontrer que la théorie de la relativité générale donnait finalement raison aux philosophes qui ont soutenu que le temps n'était rien de plus qu'une apparence ou une illusion pure et simple. Ce qui est certain est que les révolutions philosophiques réelles ou supposées, qui sont censées empêcher toute espèce de retour en arrière, aussi bien pour ce qui concerne les questions que pour les réponses, ces révolutions réelles ou supposées ne faisaient de façon générale pas beaucoup d'impression sur Gödel. Il croyait à la permanence des grandes questions et à la possibilité de les faire progresser en essayant d'approfondir davantage des idées tout à fait traditionnelles qui ont été injustement négligées. On peut interpréter son idée d'un retour possible, même après Kant, à un grand programme de métaphysique rationaliste d'inspiration leibnizienne. On peut l'interpréter soit comme l'indice d'une ignorance coupable des données et des acquis les plus élémentaires de l'histoire de la philosophie, soit comme une preuve supplémentaire de son anticonformisme et de son originalité. Au premier rang des préjugés de l'époque figurait bien entendu pour lui l'historicisme dominant et même triomphant qui suscitait déjà l'indignation et la révolte de Frege. À quel point il était resté rationaliste, au sens le plus classique du terme, et convaincu des possibilités et des vertus du rationalisme, on s'en rend compte quand on lit, par exemple, une remarque comme la suivante, qui date du 29 novembre 1972, je cite, « Toute erreur est due à des facteurs externes, comme l'émotion et l'éducation », il ajoute ça entre parenthèses, « donc toute erreur est due à des facteurs externes, comme l'émotion et l'éducation, la raison elle-même ne se trompe pas. » Fin de citation. Vous voyez que je n'exagère pas quand on parle vraiment de confiance dans les possibilités et les vertus du rationalisme. Il n'y a évidemment pas que dans la philosophie des mathématiques que Gödel adhérait à ce que l'on peut appeler une forme d'optimisme rationaliste. Qu'il ait trouvé particulièrement attrayante la philosophie de Husserl, notamment à cause du rôle fondamental qu'elle accorde à l'intuition et de la position réaliste qu'elle adopte sur la question des essences, et sur celle du statut des objets abstraits en général, qu'il ait trouvé donc tout à fait attrayant ce genre de philosophie, ne fait aucun doute et peut facilement se comprendre. Mais ce qui est beaucoup moins clair est, comme l'admet Wang, la manière dont les idées de Husserl ont pu influencer concrètement ses propres positions philosophiques et éventuellement ses recherches logiques. Quel rôle a joué, par exemple, dans l'adoption de la conviction qu'il ne peut pas y avoir de proposition absolument indécidable en mathématiques, quel rôle a joué dans l'adoption de cette conviction l'incidence que la lecture de Husserl a pu avoir sur le travail de Gödel. Dans la version légèrement remaniée du mémoire de 1947, qui est paru en 1964 dans le recueil de Benacer Raffa Potnam, donc il s'agit du fameux article « Qu'est-ce que le problème du continu ?» de Cantor, dans lequel Gödel donne un exposé détaillé de ses convictions platoniciennes. Alors, dans la version un peu remaniée donc, qu'il a donnée de cet article, il dit ceci. Je cite, donc, si la signification des termes primitifs de la théorie des anciens, c'est un passage très célèbre, hein, j'avais déjà parlé l'année dernière, si la signification des termes primitifs de la théorie des ensembles, telle qu'elle est expliquée à la page 262 dans la note 14, bon, c'est pas nécessaire de se reporter aux explications détaillées que donne Gödel, aux endroits indiqués, ce qui nous intéresse, c'est ce qui découle de ça. Il s'ensuit, dit-il, que les concepts et les théorèmes de la théorie des ensembles décrivent une réalité bien déterminée, dans laquelle la conjecture de Cantor doit être soit vraie, soit fausse, et son indémontrabilité à partir des axiomes tels qu'ils sont connus aujourd'hui peut seulement signifier que ces axiomes ne contiennent pas une description complète de cette réalité, et une telle croyance n'est en aucune façon chimérique, puisqu'il est possible de montrer des voies par lesquelles une décision de la question, même si elle est indécidable à partir des axiomes dans leur forme présente, pourrait néanmoins être obtenue. Fin de citation. Alors j'ai eu l'occasion de vous citer l'année dernière un ouvrage de Robert Tragesser, intitulé Phénoménology and Logic, donc Phénoménologie et Logique, dans lequel l'auteur explique que le point crucial dans ce que dit Gödel doit être compris de la manière suivante. Donc c'est un extrait de ce livre Phénoménologie et Logique, qui est un livre déjà ancien, paru en 1977, que j'avais acheté immédiatement à l'époque, mais qui ne semble pas avoir suscité un très grand intérêt. On en reparle un peu aujourd'hui. Alors, c'est un peu dommage qu'il n'ait pas suscité beaucoup d'intérêt à l'époque, parce que c'est un des rares livres où on trouve une confrontation en bonne et due forme du point de vue réaliste de Gödel avec le point de vue de la phénoménologie husserlienne. Alors, Tragesser dit ceci. Donc, ce qui est important dans cette déclaration, il s'agit de la déclaration que je vous citais il y a un instant, ce qui est important dans cette déclaration est le lien qu'elle établit entre notre droit de dire que S, c'est-à-dire le domaine de la théorie des ensembles, donc entre notre droit de dire que S est une réalité bien déterminée, dans laquelle par exemple HC, c'est-à-dire l'hypothèse du continu, est déterminée, autrement dit est vraie ou fausse, et la possibilité de découvrir des façons prometteuses dont des problèmes ouverts, par exemple HC, concernant le domaine pourraient être décidés. Donc il y a un lien entre le fait d'adopter la possibilité d'adopter une position réaliste concernant un certain domaine, il s'agit en l'occurrence de la réalité ensembliste, et puis l'impression qu'on a qu'il est possible à chaque fois, hein, par exemple, y compris dans le cas d'un énoncé non décidé comme l'hypothèse du continu, il est possible à chaque fois d'avoir une certaine idée des chemins qui devraient être suivis pour pouvoir espérer parvenir à une décision. Gödel, dit Tragesser, passe le reste de l'article à présenter des chemins possibles vers une décision concernant HC. Tant que nous pouvons trouver de tels chemins, S, donc la réalité ensembliste, semblera être la réalité bien déterminée que nous l'avons considérée initialement comme étant. Fin de citation. Alors le lien entre ces deux choses semble assez évident, mais ce qui l'est probablement moins est celui qui existe entre la découverte de son existence et la phénoménologie. Il semble à première vue qu'il ne soit pas nécessaire d'adopter le point de vue de la phénoménologie pour se rendre compte que ce qui nous confirme généralement dans l'idée que nous avons affaire en mathématiques ou dans n'importe quel autre domaine a une réalité bien déterminée, ce qui nous confirme dans cette idée est le sentiment que nous avons d'être capables, avec le temps, de décider n'importe quelle question susceptible de se poser à son sujet et de la décider d'une façon qui n'a rien d'arbitraire et qui ne dépend en aucune façon de choix qui nous sont propres, mais, si l'on peut dire, dépend uniquement de cette réalité elle-même, de ce qu'elle est et de ce qui s'y passe. Mais il y a bien entendu ici deux questions différentes qu'il faut distinguer. Premièrement, qu'est-ce qui nous garantit que nous avons affaire à une réalité qui est complètement indépendante de nous et de nos activités de connaissance? Ça, c'est la question de l'indépendance. Et deuxièmement, qu'est-ce qui nous garantit qu'il s'agit d'une réalité qui, antérieurement à toutes les tentatives que nous pouvons faire pour en acquérir la connaissance, est déjà déterminée dans tous ses aspects, et donc susceptible de donner, si l'on peut dire par elle-même, une réponse univoque à toutes les questions que nous pouvons être amenés à nous poser à son sujet. Il se pourrait naturellement que nous ayons affaire à une réalité qui, tout en étant indépendante de nous, comporte une part d'indétermination plus ou moins importante, et il est également concevable que, bien qu'elle soit complètement déterminée, et que la réponse que nous cherchons existe par conséquent à chaque fois, nous ne disposions pas des moyens requis pour la trouver dans tous les cas. Tragesser est l'auteur d'un autre livre intitulé Husserl et le réalisme en logique et en mathématiques, dans lequel il fait la constatation suivante à propos du genre de réalisme naïf que semblent professer la plupart des mathématiciens. En mettant bien entendu le mot naïf entre guillemets, voici ce que dit Tragesser. Une attitude à l'égard des objets mathématiques qui les considèrent comme quelque chose de réel n'est pas particulière à un petit nombre de philosophes ou de mathématiciens philosophiques. Dans un récent article, intitulé donc « Quelques propositions pour faire revivre la philosophie des mathématiques », Reuben Hirsch, vous avez la référence donc de l'article de Hirsch, Reuben Hirsch soutient à propos du praticien typique des mathématiques, entre guillemets, que, à nouveau entre guillemets, quand il fait des mathématiques, il est convaincu qu'il a affaire à une réalité objective dont il essaie de déterminer les propriétés. Autrement dit, l'attitude métaphysique du praticien typique des mathématiques, du mathématicien lambda, comme on dit, est celle d'un réaliste plus ou moins naïf. On peut supposer que quand les mathématiciens de cette sorte font des mathématiques, ils ont le sentiment qu'ils orientent leur esprit vers, réfléchissent sur et découvrent des vérités sur des objets qui existent de façon indépendante. Ils sont des réalistes naïfs de la façon dont la plupart d'entre nous sont des réalistes naïfs à propos des choses que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours. Il semble qu'il y ait des objets indépendants vers lesquels nous pouvons diriger nos esprits, sur lesquels nous pouvons réfléchir et découvrir des vérités. Hirsch cite Jean Dieudonné, qui a dit que, or c'est une formule qui est très souvent citée, qui a dit que tout mathématicien a le sentiment de travailler sur quelque chose de réel, bien que cette sensation soit probablement une illusion, mais une illusion très commode. Effectivement, alors c'est à nouveau Tragesser qui parle, il semble que d'après Hirsch, quand ce praticien typique des mathématiques est pressé ou mis au défi de donner une explication philosophique de cette réalité, il se départit temporairement de cette attitude métaphysique et cherche refuge dans le formalisme. S'il est diligent, il ira même jusqu'à formaliser une partie de son travail dans un système formel suffisamment riche, en suggérant que s'il était réellement commode de procéder de cette façon, il pourrait en principe faire son travail dans un tel système. Quand le philosophe casse-pied s'en va, le mathématicien retombe tranquillement dans son attitude de réalisme naïf. Comme on dit, c'est que tant que le philosophe casse-pied est dans les parages, le mathématicien se sent obligé de faire plus ou moins semblant d'adopter une position comme le formalisme, mais dès que le philosophe a tourné les talons, donc il retombe dans ce qu'on peut appeler une forme de réalisme naïf ou naturel. Alors là, la déclaration qu'on cite souvent de Dieudonné suggère que quand le mathématicien est au travail, il se comporte sans aucune gêne comme un réaliste naïf, ce qui a l'avantage d'être justement à la fois beaucoup plus naturel et plus commode pour travailler, mais dans ces moments philosophiques, il a tendance à se replier prudemment sur une position formaliste, sans doute parce qu'elle semble, du point de vue philosophique, à la fois plus sûre et moins compromettante. Même si elle n'est pas très exaltante en soi, du point de vue philosophique, le platonisme pourrait sembler à première vue une position plus attrayante du point de vue philosophique. Mais c'est aussi une position qui, pour quelqu'un qui est philosophiquement un peu exigeant, risque d'apparaître assez rapidement comme un peu suspecte. Alors, en tant que description supposée de ce qu'on appelait dans ma jeunesse la philosophie spontanée des mathématiciens, ce que dit Dieudonné est probablement assez exact. Je ne m'attarderai pas sur les raisons philosophiques personnelles qui pouvaient avoir de considérer que le réalisme mathématique naïf n'est probablement rien de plus qu'une illusion commode, et même, peut-être dans les faits, indispensable. Il se pourrait bien entendu que l'attitude naturelle, autrement dit réaliste, soit une illusion philosophique, aussi bien en ce qui concerne les objets mathématiques que pour les choses physiques de notre environnement. Donc il se pourrait que dans les deux cas, le réalisme soit une illusion. Il se pourrait que le réalisme puisse au contraire être justifié dans les deux cas, du point de vue philosophique. Et il se pourrait enfin qu'il ne soit défendable que dans un seul des deux, pas nécessairement du reste celui des objets physiques. Un mathématicien comme Hardy, par exemple, qui était un platonicien tout à fait typique, considérait que la réalité des objets mathématiques est à tout prendre, compte tenu de la façon dont les choses se présentent désormais dans la physique, autrement dit, après la révolution quantique. Donc il considérait que la réalité des objets mathématiques est à tout prendre nettement plus sûre et beaucoup moins problématique que celle des objets physiques. Et c'est une attitude que l'on peut s'attendre à rencontrer de temps à autre chez les défenseurs les plus convaincus du platonisme mathématique. En ce qui concerne Gödel lui-même, vous aurez certainement déjà compris que la position qu'il défend est une position de deuxième type, c'est-à-dire il soutient que le réalisme est l'attitude correcte, je dirais même l'attitude qui devrait aller de soi, hein, sauf si on n'a pas été perverti par la philosophie, en tout cas par un certain type de philosophie. Donc c'est l'attitude qui devrait aller de soi en ce qui concerne non pas seulement la réalité physique, mais également la réalité mathématique. Alors, les philosophes comme Tragesser considèrent qu'en ce qui concerne le problème du mode d'être, ou comme disent les phénoménologues husserliens, du sens d'être, Seins, Sinn, des objets mathématiques, nous avons besoin de la phénoménologie transcendantale pour transformer le réalisme naïf du mathématicien au travail en un réalisme plus sophistiqué et philosophiquement fondé. Et que c'est la raison pour laquelle Gödel a été attiré par ce genre de philosophie, par la phénoménologie husserlienne. Mais il y a eu également des philosophes comme Wittgenstein qui ont soutenu que le réalisme en philosophie des mathématiques était effectivement une illusion, et même l'illusion philosophique par excellence. Plus près de nous, Michael Dummett a soumis à une critique en règle la conception platonicienne, considérée comme une conception qui a trait avant tout à la question du genre de signification que nous sommes en mesure de donner aux énoncés que nous utilisons, que ce soit en mathématiques ou dans n'importe quel autre domaine. La signification d'un énoncé assertorique doit-elle être comprise comme définissable en termes de conditions de vérité objectives qui peuvent être réalisées ou ne pas l'être, de façon complètement indépendante de la question de savoir si nous sommes en mesure de déterminer si elles le sont ou non. Les partisans de l'option réaliste répondent que oui, c'est-à-dire que les propositions mathématiques ont des conditions de vérité objectives qui sont ou ne sont pas réalisées dans le monde mathématique. La question de savoir si nous sommes ou serons un jour en mesure de savoir si les propositions concernées sont vraies ou fausses n'a pas à intervenir directement dans cette affaire. Mais il y a des gens qui soutiennent que la signification des propositions mathématiques devrait être comprise plutôt en termes de notions plus faibles que la notion de vérité objective, comprise de cette façon. Elle devrait être comprise en termes de notions comme celle de vérifiabilité ou d'assertabilité garantie. Donc ça, c'est la position qui est défendue par les antiréalistes. Pour prendre un exemple concret, considérons l'exemple classique de la conjecture de Goldbach, qui énonce que tout nombre pair plus grand que 2 est égal à la somme de deux nombres premiers. On n'a été capable jusqu'à présent ni de trouver une démonstration de la vérité de cette conjecture, ni de produire un contre-exemple qui la réfute. Qu'est-ce qui nous autorise dans ces conditions à lui appliquer le principe de bivalence et à affirmer qu'elle est soit vraie, soit fausse? Un réaliste comme Gödel répond évidemment, répond sans hésiter qu'elle est soit vraie, soit fausse dans un univers, en l'occurrence dans le monde arithmétique. Un partisan du platonisme donc dira que comprendre la conjecture veut dire être capable de lui associer un certain état de choses arithmétique ou une certaine configuration de la réalité arithmétique qui est réalisée si la conjecture est vraie et qui est telle qu'elle est réalisée ou ne l'est pas dans le monde mathématique sans qu'il soit nécessaire pour cela de supposer que nous disposons déjà ou que nous disposerons un jour d'une méthode qui nous permet de décider si elle l'est ou ne l'est pas. Le réaliste mathématique refuse par conséquent d'identifier ce que c'est pour une proposition mathématique que d'être vrai avec ce que serait pour nous le fait d'être en mesure d'en produire une démonstration. Donc il a tendance à relâcher nettement le lien que l'on pourrait songer à établir entre la notion de vérité et la notion de démontrabilité pour une proposition mathématique. Alors le divorce qui est ainsi introduit entre le fait d'être vrai pour une proposition mathématique et le fait de pouvoir, en principe, être démontré, ce divorce implique une conséquence qui peut être considérée comme problématique et qui semble susceptible de fragiliser quelque peu la position platonicienne. Voyez, par exemple, ce que dit là-dessus un philosophe comme John McDowell dans un article intitulé « Le platonisme mathématique et l'antiréalisme domettien ». McDowell donc attire l'attention du lecteur sur une difficulté à laquelle on pense généralement assez peu. C'est une difficulté qui peut inspirer une critique du platonisme, qui n'est pas la critique qui est le plus fréquemment formulée. Alors, McDowell dit ceci, le platonicien se crédite d'une conception de ce que ce serait pour la conjecture de Goldbach que d'être vrai, qui peut être donc une conception qui peut être détachée de toute possibilité, même en principe, que nous réussissions à trouver une démonstration. Tant que personne n'arrive avec un contre-exemple, le platonicien est prêt à supposer que la conjecture peut être vraie en l'absence du type de circonstance qui nous permettrait de construire une démonstration, même en l'absence d'une raison uniforme pour laquelle tout nombre pair doit être la somme de deux nombres premiers, ou d'une partition finie des nombres pairs avec une raison uniforme de cette sorte pour tout sous-ensemble. Donc, vous voyez, il se pourrait qu'on arrive un jour à trouver pour l'ensemble des nombres pairs dans sa totalité une raison uniforme pour laquelle tout nombre pair plus grand que 2 doit être égal à la somme de deux nombres premiers, mais il se pourrait aussi qu'on ne puisse pas arriver à un résultat aussi satisfaisant et qu'il faille d'abord décomposer l'ensemble des nombres pairs en installant de sous-ensembles, mais que pour chacun de ces sous-ensembles, on arrive à trouver une raison uniforme, donc une raison qui soit toujours du même type pour laquelle tout, étant donné un couple de. Un nombre pair pris dans un quelconque de ces ensembles, donc on arrivera à démontrer, en utilisant la raison en question, à partir de cette raison, qu'il doit être égal à la somme de nombres premiers. Alors, évidemment, pour un platonicien, il n'est pas exclu que nous rencontrions en mathématiques des situations comme celle-là, c'est-à-dire que la proposition soit vraie, puisqu'il lui semble tout à fait possible qu'elle soit vraie, mais qu'en même temps, nous ne réussissions, pas à donner, à obtenir, à trouver une raison générale de ça, une raison générale pour laquelle la proposition est vraie. Et McDowell décrit la situation en disant, il semble honnête de dire ceci, le platonicien procède comme si cela avait un sens de supposer qu'il peut simplement se trouver être un fait que tout nombre pair est la somme de deux nombres premiers, quoique bien entendu, si c'est le cas, il sera vrai de chaque nombre premier qu'il est nécessairement la somme de deux nombres premiers. Donc, si vous voulez, dans une situation de ce genre, on aurait le sentiment que les choses se passent de la façon suivante. L'état de choses décrit par la conjecture peut être réalisé d'une façon qui, en fin de compte, ressemble un peu trop à celle dont peut l'être un fait empirique, pour la raison suivante. Quelqu'un qui aurait les moyens et l'énergie nécessaires pour passer en revue l'un après l'autre tous les nombres pairs, à supposer que, bien sûr, que l'on puisse donner un sens à une entreprise de cette sorte, ce quelqu'un pourrait constater successivement à propos de chacun d'entre eux qu'il est, que chaque nombre pair considéré est effectivement égal à la somme de deux nombres premiers, et l'est nécessairement, puisque si une égalité numérique déterminée, A égale B plus C est vraie, elle est nécessairement vraie. Donc, en passant en revue successivement chacun des nombres pairs, on serait amené à constater qu'il est égal à la somme de deux nombres premiers, qu'il l'est en outre nécessairement, mais il n'y aurait pas d'espoir de réussir à trouver pour cela le genre de raison uniforme que seule une démonstration de la conjecture est en mesure de nous fournir, et qui a pour effet de rendre nécessaire la proposition universelle elle-même. Donc, il semble y avoir un lien, si vous voulez, entre la vérité, la nécessité et la démontrabilité que le platonisme a tendance à relâcher peut-être un peu trop. Hein. Ce qui se passe, encore une fois, c'est qu'on a le sentiment que dans le monde mathématique, il y a des états de fait qui ressemblent peut-être un peu plus qu'il ne le faudrait à des états de fait empiriques. Hein, et ce qui explique qu'on puisse se trouver éventuellement dans des situations de ce genre, en passant successivement en revue, si la chose était possible, chaque nombre pair plus grand que 2, on pourrait constater qu'il est égal à la somme de deux nombres premiers, mais on n'arriverait pas à trouver une raison générale, qui ne peut être fournie, encore une fois, que par la démonstration, une raison générale pour laquelle ça doit se passer de cette façon dans tous les cas. Alors, une des raisons, il faut le remarquer, pour lesquelles Wittgenstein trouve suspecte l'idée que les propositions mathématiques décrivent des faits mathématiques dans un monde mathématique, et que cela fait, d'après lui, paraître trop petite la différence qui existe entre elles et les propositions empiriques. On a tendance à soupçonner les philosophes qui rejettent la conception platonicienne parce qu'ils ont des faiblesses, même un peu plus que ça, pour l'empirisme. Dans le cas de Wittgenstein, c'est exactement le contraire. C'est parce qu'il trouve que le platonisme a tendance à rendre les propositions mathématiques plus semblables qu'elles ne le sont, qu'elle devrait l'être à des propositions factuelles de type empirique. Alors, évidemment, on peut estimer qu'une conception comme celle de Wittgenstein ne décrit pas de façon satisfaisante la situation des propositions mathématiques en leur conférant le statut de règle, mais là, au moins, l'avantage de respecter, même si elle ne la représente peut-être pas de la façon la plus heureuse qui soit, la différence de nature qui semble exister entre les propositions mathématiques et les propositions empiriques. Et quand on regarde ce que Wittgenstein dit, par exemple, dans les remarques sur les fondements des mathématiques, on voit très bien qu'il pense qu'il y a une tension à peu près insurmontable entre le fait de dire qu'une proposition mathématique est a priori, et par conséquent nécessaire, et le fait de dire qu'elle représente un fait mathématique. Car un fait semble être, en quelque sorte, par définition, une chose qui se trouve simplement être ainsi et pourrait aussi être autrement. Le mathématicien, effectivement, d'un point de vue platonicien, est décrit comme un explorateur qui se livre à des expéditions couronnées de façon générale par des succès remarquables dans le monde mathématique. Et puis, il constate que les choses sont comme ceci ou ne sont pas comme ceci. Mais encore une fois, pour les philosophes comme Wittgenstein, ça fait ressembler les propositions mathématiques un peu trop à des propositions empirique. Alors, si j'ai ouvert cette parenthèse, c'est parce que Gödel n'est évidemment pas du tout intéressé par cet aspect du problème. Et il s'en tient à l'idée que les mathématiques nous disent ce qu'il y a et comment les choses sont dans le monde mathématique, de façon analogue à celle dont les sciences empiriques nous disent ce qu'il y a et comment les choses sont dans le monde empirique. Il y a des faits mathématiques qui sont, si l'on veut, des faits conceptuels, exactement comme il y a des faits empiriques. Et autrement dit, ce parallélisme est quelque chose qui ne gêne en aucune façon Gödel, mais qui lui semble même aller, pour ainsi dire, de soi. Et d'après lui, nier la réalité des premiers, c'est-à-dire des faits conceptuels, est exactement aussi absurde et aussi pervers que le serait le fait de nier celle des seconds. Il est tout à fait déraisonnable et arbitraire à ses yeux, il le dit explicitement, de reconnaître la réalité d'un fait comme « ceci est rouge », ça c'est le genre d'exemple qu'affectionnent les empiristes, et notamment les empiristes du cercle d'Hienne, dont Gödel trouve absurde qu'on reconnaisse sans difficulté la réalité d'un fait de cette sorte, d'un fait de la perception comme « ceci est rouge », et que, par ailleurs, on conteste la réalité de faits comme ceux qui sont exprimés, par exemple, dans 2 plus 2 égale 4 ou dans le modus ponens. Par conséquent, Gödel accuse les positivistes logiques, comme Carnap, et Wittgenstein lui-même, dont la position l'irrite d'une certaine façon encore plus que celle de Carnap, il les accuse d'être simplement victimes d'une forme de partialité caractérisée en faveur de l'empirique et de pratiquer une forme de mutilation volontaire qui aboutit à l'exclusion intellectuellement suicidaire de la connaissance conceptuelle dans sa totalité. Donc une forme de connaissance que l'on croit pouvoir remplacer, mais c'est aux yeux de Gödel véritablement un marché de dupes, donc on croit pouvoir remplacer cette forme de connaissance qui aux yeux de Gödel semble incontestable et qui a un contenu, donc on croit pouvoir la remplacer par l'adoption de simples systèmes de règles ou de conventions linguistiques sans contenu cognitif réel. Mais on peut remarquer que Gödel de son côté est peu sensible à la possibilité suggérée par Dieudonné que le réalisme mathématique constitue une illusion philosophique ou épistémologique, même s'il s'agit peut-être d'une illusion qui est plus ou moins constitutive. Et le fait, Gödel ne s'interroge pratiquement pas sur la pertinence d'une analogie comme celle qu'on est tenté de reconnaître et que les platoniciens utilisent abondamment entre le cas des objets mathématiques et celui des objets physiques. Alors que Wittgenstein trouve cette analogie justement au plus haut point suspecte. Ça c'est très caractéristique dans ce qui oppose ces deux espèces de philosophes. Sur ce point, on s'aperçoit qu'il y a la plupart du temps deux types de philosophes. Il y a ceux qui pensent que le cas des objets mathématiques peut être traité de façon tout à fait analogue à celui des objets. Bon, on peut traiter les objets mathématiques exactement comme les objets physiques. La réalité des uns est aussi peu sujette à caution que celle des autres. Et puis il y a ceux qui trouvent que cette analogie pose un problème, un problème sérieux qui demande à être discuté. Alors ça n'était pas manifestement pas un problème pour Gödel. Par exemple, dans une lettre à Bernays, il dit ceci: en ce qui concerne l'existence des concepts, je crois que l'on peut sans doute dire en un certain sens que les choses spatio-temporelles ont un autre être, donc les choses spatio-temporelles ont un être différent de celui, ont un être différent de l'être des concepts, mais ce sont tout de même uniquement deux espèces d'un genre universel de l'être qui peut être énoncé des deux. C'était Éloge du savoir, aujourd'hui le Collège de France avec Jacques Bouvresse. Réalisation Thomas Duterre, présentation Christine Goémé. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Bonjour, votre matinée sur France Culture. 9h05, la nouvelle fabrique de l'histoire. Cette semaine, une histoire pour soi. Ce matin, mémoire individuelle avec Jean Raoult, auteur de Fils de Plouc aux éditions Ouest France, où il donne une opinion pour une fois posée de la culture de et dans sa région. 10h, le temps des humanités s'ouvre sur les lundis de l'histoire autour du livre de Hervé Drévillon, L'impôt du sang, le métier des armes sous Louis XIV, édition Thaïlandier, avec l'auteur Hervé Drévillon et Daniel Roche, professeur au Collège de France. 11h, fiction, feuilleton, conversation avec Kafka de Gustave Janouch, feuilleton à suivre en 5 épisodes. En mars 1920, Gustave Janouch, jeune lycéen pragois, poète à 16 heures, rencontre Franz Kafka. Durant 2 ans, les deux hommes tissent en confiance une relation privilégiée au rythme de conversation. Janouch, de manière scrupuleuse et rigoureuse, tient des carnets et 30 ans plus tard, il publie ses échanges. 11h30, les chemins de la connaissance, dans le cadre de la semaine France Culture à Istanbul, consacre cette semaine à cette cité qui demeure la plus fascinante de Turquie, un pont tendu sur le Bosphore entre l'Orient et l'Occident. Invité ce matin, Jean-Claude Chenet, professeur d'histoire byzantine à l'université de Paris 4 Sorbonne. Et tout de suite, les matins de France Culture se lèvent avec Nicolas de Morand. Bonjour à tous et bienvenue dans les matins de France Culture. Il est 6h57 donc à Paris, 7h58 à Istanbul en Turquie où France Culture s'installe pour 2 jours et de nombreuses émissions en direct. On est le lundi 29 mai 2006, exactement 1 an après le non français au projet de constitution européenne. On se souvient des débats passionnés pendant la campagne, débats qui n'ont d'ailleurs pas épargné les médias, accusés d'être oui-ouistes, comme on le disait à l'époque. On se souvient de la critique de l'Europe libérale, dérégulée, l'Europe du fric contre l'Europe des peuples. On se souvient aussi, évidemment, du rôle qu'a joué la Turquie dans tous ces débats, que ce soit d'ailleurs dans le camp du non ou dans le camp du oui. En quelques semaines, la Turquie est devenue en substance l'autre de l'Europe, un pays musulman immense, des frontières avec l'Irak et la Syrie, un pays auquel on avait fait des promesses sans consulter les peuples, un pays qui incarnait donc à la fois le déficit démocratique d'une Europe faite par le haut entre chefs d'État et le risque d'une dilution de l'identité européenne. En somme, la Turquie mettait le doigt sur les contradictions de l'Europe. De la même façon d'ailleurs que l'Europe met le doigt sur les contradictions de la Turquie. Et c'est donc pour analyser ce double mouvement que France Culture s'installe ici. Les matins, tout arrive, travaux publics, la rédaction de France Culture. On est là pour essayer de comprendre ce chassé-croisé de représentations politiques et de symboles. Et l'émission, ce matin, sera justement consacrée à la société turque. Chose vue dans les rues d'Istanbul, ça n'est pas un sondage ni même une enquête sociologique. Juste quelques petites images comme ça. Les mêmes magasins qu'en France, pour commencer. Les mêmes vêtements, les mêmes cafés bondés où tout le monde boit de l'alcool. Une société extrêmement jeune, la modernité en somme. Sur fond d'appel à la prière et avec un certain nombre de femmes voilées, certaines de la tête aux pieds. Turquie, terre de contraste, comme on dit dans les mauvais guides de voyage. On va essayer, bien entendu, d'aller au-delà du cliché ce matin avec de nombreux invités intellectuels parfaits francophones. Vers 7h40, on sera en compagnie de l'économiste Ahmet İnsel et également du professeur intellectuel, figure très reconnue ici et éditorialiste dans la presse, Ali Behramoğlu. Des confrères de la presse turque joueront le jeu de la chronique tout au long de l'émission, chronique éditoriale politique en lieu et place des collaborateurs habituels des matins de France Culture. Ils ont cédé leur place, je les remercie évidemment très chaleureusement pour cette générosité. 8h15, chronique chronique donc de Mehmet Altan. Il est éditorialiste au quotidien libéral Sabah. Et à 8h30, Raghib Duran, très bon connaisseur de la Turquie, évidemment. Les lecteurs français de Libération connaissent sa signature. Il connaît donc bien sûr son pays, mais aussi le nôtre, notre beau pays, la France, où l'on va revenir tout de suite donc pour le journal de 7h. Retour à Istanbul dans un quart d'heure. Jean-Louis Crimon, journal donc. Première édition de la matinée sur France Culture, 8h ici, et 7h à Paris. Bonjour, 29 mai 2005, 29 mai 2006, il y a un an, la France allait rejeter le traité constitutionnel européen, un rejet français suivi peu après par le non néerlandais. Aujourd'hui, le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, estime qu'il est temps de passer de la réflexion à l'action. En France, les collectifs pour le non au référendum n'ont, semble-t-il, pas su transformer l'essai du 29 mai. Explication dans un instant de Sonia Bourhan. Et de son côté, Catherine Colonna, ministre déléguée aux Affaires européennes, estime que l'Europe continue d'avancer, mais à son propre rythme. Vous l'entendrez au micro de Quentin Dickinson. Alvaro Uribe, confortablement réélu à la présidence de la Colombie. Les résultats partiels créditent le président sortant de plus de 62% des suffrages. Il semble qu'une partie des électeurs ait voulu tenir compte d'une amélioration de la sécurité après des années ensanglantées par la guérilla des FARC et la criminalité. Au lendemain du tremblement de terre qui a fait près de 5000 morts sur l'île de Java, l'Indonésie a appelé hier la communauté internationale à l'aide. La Croix-Rouge a évalué à 200 000 le nombre de sinistrés déplacés par la catastrophe. Le point en fin d'édition avec Charlotte Manvi. Enfin, la Palme d'Or pour Ken Loach et son film Le Vent se lève sur la guerre d'indépendance irlandaise du début du XXe siècle. Antoine Guillot nous dira ce qu'il faut penser de ce Festival de Cannes 2006 qui a voulu saluer le travail de cinéastes Ken Loach, mais également Bruno Dumont, très concernés par les questions du temps présent. Un an tout juste donc après le rejet de la Constitution européenne par la France au référendum du 29 mai, le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, estime qu'il est temps de passer de la réflexion à l'action et son prédécesseur, Romano Prodi, estime lui que nous avons 3 ans pour relancer l'Europe. En France, les collectifs pour le non avaient rassemblé des citoyens hors des partis politiques classiques, suscitant même un engouement nouveau pour la politique. On a compté à l'époque près de 900 collectifs à travers toute la France, soutenus par la Fondation Copernic, ATTAC, la LCR, les Verts, le Parti communiste et de nombreuses autres formations. Un an après, que sont-ils tous devenus? Est-ce que ces collectifs du non, forts de leur victoire du 29 mai, ont réussi à transformer l'essai? Pas vraiment, même si l'annonce hier, dans le journal du dimanche, d'une possible candidature de José Bové à la présidentielle 2007, pourrait relancer ces mouvements. Sonia Bourhan. Ils ont prévu de pique-niquer, de faire la fête. Dans de nombreuses villes en France, les collectifs du 29 mai se sont donné rendez-vous ce soir pour fêter ce premier anniversaire. Nostalgie, nostalgie, c'est peut-être tout ce qu'il reste de ces mouvements spontanés nés de la campagne du référendum. Depuis un an, ils continuent à clamer que le 29 mai n'est pas mort, que le combat contre le libéralisme doit se poursuivre. Des rencontres sont organisées au niveau national, mais concrètement, aucune initiative n'a permis à ces collectifs de revenir au devant de la scène, pas même le CPE. Pour la présidentielle de 2007, leur appel à une candidature du non de gauche n'a pas vraiment été entendu jusqu'à maintenant, jusqu'à hier en fait, puisque José Bové a annoncé sa disponibilité pour conduire collectivement une campagne. Jusque-là, on a surtout vu réapparaître les querelles de chapelle, chacun se rangeant derrière son étiquette politique. Lutte ouvrière a déjà sa candidate, les Verts annonceront leur candidat demain, la LCR envisage de partir seule elle aussi, le Parti communiste fait quasiment déjà campagne avec Marie-Georges Buffet. José Bové a donc encore beaucoup de chemin à parcourir pour incarner le candidat de ces collectifs du 29 mai. Et puis, en ce qui concerne Laurent Fabius, la victoire du non au référendum aurait dû lui ouvrir toutes les portes. Et pourtant, un an après cette victoire, dont il aura été l'un des principaux artisans, Laurent Fabius n'a quasiment rien retiré de ses 55% contre la Constitution, ni dans le pays, ni pour le moment dans son propre parti, Françoise de Goix. Le 30 mai 2005, Laurent Fabius fait son service après-vente sur TF1. Il a attendu 24 heures pour s'exprimer après la victoire du non. Et on l'aura rarement vu sourire autant que ce soir-là, plaisantant même sur les petites ailes qui lui pousseraient dans le dos. un an après, les ailes semblent rognées. Malgré sa transgression européenne qui lui a demandé un certain courage, malgré une campagne où il a démontré tous ses talents de stratège, sa capacité à entraîner son camp vers la victoire, eh bien le général Fabius n'a pratiquement rien gagné dans l'opinion qui lui fait encore et toujours un procès en insincérité. C'est un peu différent sur l'échiquier politique. Fabius a recousu les fils avec les communistes, les Verts, et s'est même trouvé des atomes crochus avec José Bové. Quant au PS, malgré la rancune que lui vouent beaucoup de militants, et même s'il n'est jamais parvenu à fédérer les autres acteurs du non, ce combat l'aura au moins placé sur une ligne politique clairement de gauche.